ouvalim. Anastasie, ou manger tout là? Anastasie, ou manger coq là? Anastasie, valet Codan. Descends ma chez l'asile pour acheter les jeans pour souper. Mon cabir et mon détour chaque mois à dans l'homme et moi. Mon pote quand même rivé, madame qui a tombé derrière moi. Restaré pour mettre mon affaire, bien bête qui disparaît. Des piments tout pité, tout le monde qui a menti à soin. Sans moi faire yo moyen, yo c'est pour la lapider moi. Moi rentré caille madame, pour moi ça engagé comme moi. Anastasie, et tu vas là. Anastasie, et tu pieds là. Anastasie, où va les poules là? Anastasie, où manger coq là? Anastasie, où aller pour là? Anastasie, où manger pour là? Anastasie, où manger coq là? Anastasie, valet Corona. Anastasie, où manger coq là?